Il descendit dans son jardin. Les étoiles brillaient, il les contempla. L'idée de se battre pour une femme le grandissait à ses yeux, l'anoblissait. Puis, il alla se coucher tranquillement. Il n'en fut pas de même de Sizi. Après le départ du baron, Joseph avait tâché de remonter son moral et, comme le vicomte demeurait froid, « Pourtant, mon brave, si tu préfères en rester là, j'irai le dire. » Sizi n'osa répondre, entre guillemets, « certainement », mais il en voulut à son cousin de ne pas lui rendre ce service sans en parler. Il se trouva que Frédéric, pendant la nuit, mourut d'une attaque d'apoplexie ou qu'une émeute survenant, il eut le lendemain assez de barricades pour fermer tous les abords du bois de Boulogne ou qu'un événement empêcha un des témoins de s'y rendre. Car le duel, faute de témoins, manquerait. Il avait envie de se sauver par un train express, n'importe où. Il regretta de ne pas savoir la médecine pour prendre quelque chose qui, sans exposer ses jours, ferait croire à sa mort. Il arriva jusqu'à désirer être malade, gravement. Afin d'avoir un conseil, un secours, il envoya chercher M. Désonné. L'excellent homme était retourné en Saint-Onge sur une dépêche lui apprenant l'indisposition d'une de ses filles. Cela parut une mauvaise augure à Sizi. Heureusement que M. Vezou, son précepteur, vint le voir. Alors, il s'épancha. « Comment faire, mon Dieu? Comment faire ?»« Moi, à votre place, monsieur le comte, je paierai un fort de la halle pour lui flanquer une raclée. »« Il serait toujours de qui ça vient, » reprit Sizi. Et, de temps à autre, il poussait un gémissement. Puis, « Mais, est-ce qu'on a le droit de se battre en duel ?»« C'est un reste de barbarie, que voulez-vous ?» Par complaisance, le pédagogue s'invita lui-même à dîner. Son élève ne mangea rien, et après le repas, sentit besoin de faire un tour. Il dit, en passant devant une église, « Si nous entrions un peu pour voir, M. Vezou ne demanda pas mieux et même lui présenta de l'eau bénite. »